كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طه منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل ما يتعلق بأهل الأعذار. On finit ce qu'on avait vu dans le dors précédent, les personnes qui sont excusées de ne pas faire le siyam. On a visité même Al-Ajouz ou Al-Sheikh Al-Kabir. Naam, kadalik, qabla Al-Ajouz ou Al-Sheikh Al-Kabir. On avait cité même le premier cas, Al-Mu'allif, rahmatullah alayhi, l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, il a cité le Musafir. Et après le Musafir, on a cité qui ? وصنف آخر المريض. المريض لا يستطيع الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هكذا قال عز وجل. Donc le malade, la personne qui n'a pas la capacité, comme ceux qui ont un âge avancé, et on a vu dans le dors avant le voyageur. نعم واليوم نأخذ الحامل والمرضع. Troisième cas, ou troisième catégorie, الحامل والمرضع. الحامل, la femme enceinte, المرضع, la femme qui allait. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح عمدة الفقه إن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها إما لأن الجوع يضر به. Premier cas. نعم. La femme enceinte, elle délaisse ou elle peut délaisser As-Siyam si elle a peur pour son enfant. Surtout en été, quand les journées elles sont longues, la déshydratation est autre. فربما يضر الولد. ففي هذا الحال elle a le droit de ne pas jeûner et on verra qu'elle rattrape. قال أو لاحتياجه إلى دواء تشربه هي. Deuxième cas. Pour la femme enceinte, donc le premier, elle a peur pour son enfant. Elle mange pas, elle boit pas. Donc, ça peut faire du mal à l'enfant. Surtout si un docteur de confiance, un musulman, un fiqh, il est connu pour être véridique, il lui démontre annahu, ça peut lui faire du mal, fi hadha al-hal, elle jeûne pas. Deuxième cas, un médicament. Elle a besoin d'un médicament qu'un docteur kadhalik lui a donné de confiance et elle doit le prendre à différents moments de la journée. Fa fi hadha al-hal, elle prend le médicament et on verra qu'elle rattrape. قال فإنه يجوز لها أن تفطر لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر. نعم. Si le voyageur il est excusé, il peut ne pas jeûner, il a le choix comme on a vu. فهي لأحوج. La femme enceinte et la femme qui allait, le cas est encore plus compréhensible que le voyageur. قال شيخ الإسلام وبعض المرضى كذلك. ربما son cas il est plus urgent, il est plus compliqué que certains malades. Alors que le malade, on l'avait vu, dans certains cas, si ça lui fait du mal ou ça retarde la guérison, il peut ne pas jeûner. قال فإنه يخاف هلاك الولد بصومها. نعم فإن خيف على الولد بسبب الصيام فالفطر أولى. بل بعض العلماء, comme on va voir كلام شيخ ابن عثيمين, يقول أنه واجب. Si ça fait du mal à l'enfant ou ça lui fait du mal à elle, نعم, t'as pas le droit de te faire du mal. وتقدم معنا حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه, أو بلوتو شيخ الإسلام يقول أنه تقدم حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحبلى. الحبلى أي الحامل, لا فامونسان, أو المرضع. إذا نوت رواية عن الحامل وعن المرضع. الحديث صححه هو الإمام مقبل بن هادي في الجامع الصحيح رحمة الله عليه. ثم قال شيخ الإسلام après avoir cité la femme enceinte, قال الفصل الثاني في المرضع وهي كالحامل. المرضع c'est les mêmes أحكام. المرضع ça vient de الرضع, allaiter, la femme qui allait. وهي كالحامل, elle est comme la femme enceinte, elle est dans les أحكام. وأولى منها بوجوب الفدية. Et on va voir cette mas'ala, il y a un khilaf واسع بين أهل العلم. Est-ce que la femme enceinte et la femme qui allait, elles doivent rattraper Est-ce qu'elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, etc. On va voir cette masala al-an. قبل ذلك, الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في فتاوى الصيام الحامل لا تخلو من حالتين. Ça c'est une précision importante. La femme enceinte, deux cas. كذلك pour celle qui allait. إحداهما أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها. Premier cas, une femme qui est enceinte et elle n'a aucune difficulté, elle ressent aucune difficulté, كذلك, aucun mal pour son enfant qui est dans son ventre. Dans ce cas, c'est obligatoire pour cette femme de jeûner. Il faut bien comprendre quand l'ulama, ici, la femme enceinte et la femme qui allait, c'est quand elle a du mal à jeûner. Et elle est comme le malade, le haqiqa. On avait vu cette mas'ala dans le malade. On avait dit quoi pour le malade? Si c'est dangereux pour sa santé. Si c'est dangereux pour sa santé, ou la guérison elle est retardée, ça lui fait du mal. Non. Et hadal hal, il jeûne pas. Et il rattrape. Amma, Cheikh Ibn Uthaymin, il avait expliqué s'il a une douleur à l'œil, ou il a mal au bras, et ça lui fait aucun mal de jeûner, fi hadal hal, il doit jeûner. Même s'il est malade. Donc, il faut bien comprendre أن المسألة متعلقة بالقدرة وبالمشقة. C'est par rapport à la capacité et à la difficulté. قال شيخ ابن عثيمين فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم. C'est obligatoire pour cette femme de jeûner. لأنها لا عذر لها في ترك الصيام. Elle n'a pas d'excuse. Même si elle est enceinte. لأن beaucoup de femmes enceintes, elles jeûnent et elles ressentent aucune difficulté. خاصة surtout en hiver. En hiver, les journées sont courtes, les nuits sont longues, il fait frais. Beaucoup de femmes enceintes, elles jeûnent, et en été c'est plus difficile. Lakin, le cas par cas, chaque femme, elle a sa situation. Si elle peut, alhamdulillah, elle fait siyam, si elle ne peut pas, elle rattrape. قال والحالة الثانية, deuxième cas, أن تكون الحامل غير محتملة للصيام. Aïna, elle n'a pas la capacité. إما لثقل الحم, إما la grossesse, elle a avancé, وتتعب, les derniers mois. قال أو لضعفها في جسمها, أو elle est faible, elle se sent faible, et ça arrive beaucoup pour les femmes enceintes. قال أو لغير ذلك, ou autre. Elle a peur pour son enfant. On a lu le kalam de Cheikh l'Islam. Elle doit prendre un médicament. Elle a besoin de manger. Elle a besoin de s'hydrater. Les médecins, ils la conseillent. Fafi hadha al-hal. Al-amr li wasi', elle mange et elle rattrape comme ça yati. قال ففي هذا الحال تفطر. Aïe, elle mange. Elle ne jeûne pas. لا سيما إذا كان الضرر على جنينها فإنها قد يجب الفطر عليها حينئذ نعم. أما si ça peut lui faire du mal à elle ou à son enfant, elle peut faire une fausse couche à cause de la mauvaise nutrition ou la déshydratation, ففي هذا الحال, ça peut être obligatoire qu'elle mange. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. On n'a pas le droit de se faire du mal dans notre dîn. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est rahim. Celui qui ne peut pas, comme قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. Donc, on a compris que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles sont excusées si elles ne peuvent pas jeûner, ou ça peut provoquer un mal. الآن, si elles ne jeûnent pas, qu'est-ce qu'elles doivent faire? المسألة يا خلاف كبير بين أهل العلم. وبعض العلماء قالوا أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. Certains savants ils disent qu'elles mangent. Si elles ont manqué 5 jours, on va donner l'exemple de 5 jours, elles mangent les 5 jours, et pour chaque jour, elles nourrissent un pauvre. Et elles ne rattrapent pas. Lakin, elles nourrissent un pauvre. Et ça, c'est Qawl ibn Abbas, ou Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Kadhalik Qawl Ishaq ibn Rahaway, al-imam. Wastadallu bi Qawl Allahi Azza wa Jal, wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Taqaddamat ma'ana al-aya. Ibn Abbas, il avait déjà cité ce dalil pour montrer que la vieille personne, si elle ne jeûne pas, elle nourrit un pauvre. Et on avait vu, on a cette ayah, les mansoukha. Ce verset, il est abrogé. Ça, c'était au départ de l'islam, ils avaient le choix. Imma ils jeûnent, imma ils nourrissent un pauvre. Elle a été abrogée, comme a fi hadith Salamah ibn al-Akwa, fima athkur. On a cité. C'était hadith Salamah? Hadith Salamah. Tayyib. Ça, c'est le premier qawl. Alors, qawl al-thani, أنهما تفطران وتقضيان ولا فدية. Deuxième قول, elle rattrape. Cette femme enceinte, elle a manqué 5 jours, elle rattrape les 5 jours et pas de fidya. Elle n'a pas à nourrir de pauvres pour chaque jour. لماذا؟ لأنها في حكم المريض. Elle est comme le malade. Et on n'a pas de délil qui démontre qu'elle doit nourrir un pauvre. Ben, vu que c'est un moment précis qu'elle ne peut pas jeûner, il y en a la femme enceinte, dès qu'elle accouche, plus tard, elle reprend des forces, elle peut jeûner. Ben, c'est pas comme la vieille personne. On avait dit que, naam, c'est afdal. C'est pas obligatoire, là, qu'elle nourrir un pauvre. Il y en a, elle n'a plus la capacité de jeûner. Amma hadhi, là, elle a la capacité. Ça, c'est qawl al-Hassan wa al-Zuhri. كذلك قول أبي حنيفة والأوزاعي وكثير من أهل العلم إذن شوازي سقوا قال شمع تيمين لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر تقدم on a déjà cité cette مسألة أن elles n'auront pas le jeûne sauf si elles ont une excuse difficulté ou autre donc on comprend bien que c'est pas toute femme enceinte qui peut manger là ça dépend du cas comme les malades c'est pas tout malade qui peut manger ça dépend du cas فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم donc Cheikh Ibn Uthaymeen il compare la femme enceinte au malade et c'est ça le sahih c'est la même chose Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il démontre que le malade il rattrape les jours manqués فهكذا la femme enceinte ثم Cheikh Ibn Uthaymeen il a démontré en بعض العلماء ils disent qu'elles doivent que ces femmes, elles doivent nourrir un pauvre. Al-Sahih ma taqaddam. Al-Sahih, c'est qu'elles n'ont pas à nourrir de pauvres, bel, elles rattrapent. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité ça. Qala, laysa alayhim siwa al-qada, ala kulli hal, li'annahu laysa fi ijab al-it'an, dalilun min al-kitab, wal-sunnah, wal-aslu, bara'atu al-dhimma. Et ça, c'est une règle à comprendre. An al-asl, c'est bara'atu al-dhimma. Al-asl, dans cette masala et dans beaucoup d'autres, c'est que tu n'as pas à nourrir de pauvres. C'est ça la base. Chaque musulman, il n'a pas à nourrir un pauvre par jour. Celui qui prétend que ce musulman, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour de Ramadan manqué, il doit citer le délit. Et on n'a pas de délit fi hada. Fali hada al-aslu, c'est bara'at al-dhimma, et c'est qu'elle n'a pas à nourrir de pauvres. Hatta yaqoum al-dalil ala shughliha. Et hatta yaqoum al-dalil pour montrer anna hadhi al-dhimma, et cette personne, elle doit nourrir ce pauvre. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي نعم مذهب أبي حنيفة إس مذهب قوي أي س الراجح الشيخ ابن باز كذلك رحمة الله عليه إلى رجح هذا القول إلى démontré qu'elle était comme le malade il y a des autres أقوال أن بعض العلماء ils ont différencié entre le حامل et le مرضع et beaucoup de تفاصيل لكن الصواب ما تقدم donc la femme enceinte ou la femme qui allait, si elle ne peut pas jeûner, elle rattrape quand elle pourra. Quatrième catégorie, des personnes qui sont excusées de ne pas jeûner, al-ha'id wa nufasa, tout ce qui est rapport avec les menstrues, les règles. Kadhalik al-nufasa. Al-nifas, c'est le sang qui coule après l'accouchement. En général, c'est 40 jours. Et al-ha'id, période, c'est une période en général, c'est mensuel, daura shahriya, et c'est un sang naturel qui coule chez la grande majorité des femmes. Donc, dans ces deux cas, quand il y a cet écoulement de sang, la femme, elle ne jeûne pas. Comme a dit Aïcha, radiyallahu anha, fi sahihayn, anha qalat fil ha'id, inna kunna nu'mar bi qada'i s-sawm, wa la nu'mar bi qada'i s-salah, muttafaqun alayh. Donc, elles étaient ordonnées de rattraper les jours manqués à cause de l'haïd ou l'nifas. Et elles n'étaient pas ordonnées de rattraper al-salah. Ma'rouf, la femme qui a ses règles et qui manque al-salah, elle n'a pas le droit de faire salat ni de jeûner. Dans ce cas, elle ne rattrape pas al-salah. Lakin al-siyam, elle le rattrape. Ça montre que cette femme, elle ne doit pas jeûner. Et l'imam al-Nawawi naqala al-ijma'a. Qala la yassih, sawm al-ha'id wa al-nufasa wa la yajib alayhima. ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا مجمع عليه انتهى من المجموع donc le jeûne il est pas valide même si elle jeûne قدر ان تك une femme elle s'entête et elle veut quand même jeûner son jeûne il est pas valable ثانيا c'est haram elle a des péchés c'est une mukhalafa elle a pas le droit النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit هذا فلا يجوز troisièmement même si elle a jeûné elle doit rattraper ce jour et si elle a pas jeûné comme une femme normale, elle rattrape ce jour. Et tout ça, c'est l'ijma' al-ulama, l'unanimité des savants. Il y a un cas, et dans le qata al-dam anil mar'a, atna an-nahar. Si ce sang, l'écoulement il arrête en plein milieu de la journée. Aïe, ce qu'ils appellent al-ulama tathur al-mar'a. At-tahr. Aïe, elle se purifie. Mathalan, nahnu nasoum al-yawm, et c'est bientôt l'asr. Cette période là, une femme, elle a plus ses règles. Donc elle va se laver pour faire salat. Salat al-asr, elle devient obligatoire. Kadhalik, ba'd al-ulama yaqulun at-tahr kadhalik. Et dans ce cas, elle est encore fait au moment du dhuhr. Donc si elle se purifie maintenant, elle fait le ghusl, elle fait le dhuhr, et dès qu'il y a l'adhan du asr, elle fait l'asr. Et après, bien sûr, le maghrib ou l'isha, etc. Dans notre situation, est-ce qu'elle doit arrêter de manger jusqu'au maghrib? Hein? C'est comme la mas'ala avec le musafir. Ahsant. Qu'on a fait le musafir? Si il rattrape ce jour, si il jeûne ce jour-là, il doit rattraper le... نعم ça veut dire qu'on aura rajouté un wajib alayhi qui est pas wajib et il est ma'dhour al musafir al mar'a kadhalik al ha'id wa al nufasa li ma'dhura ala une excuse et kadhalik al siyam ça commence à partir du fajr et kadhalik al siyam il faut niya donc grande obligatoire à partir de ce moment c'est pas sahih wa ba'd al ulama ils ont dit annahu yalzamhuma al imsak kama qala أبو حنيفة والإمام الثوري والأوزاعي لكن الراجح سيقول الجمهور la majorité des savants منهم الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ils ont dit أنه il n'y a pas besoin de s'abstenir et c'est ça le راجح c'est ça le صحيح pourquoi parce qu'il n'y a pas de délil à la hada on a un délil que la femme elle est excusée est-ce qu'on a un délil que si تطهر في وسط النهار أي elle se purifie elle est purifiée au milieu de la journée elle doit jeûner là Léana, ça veut dire qu'on a rendu obligatoire elle a jeûné plus que les autres elle rattrape un jour celui qu'elle a manqué et on lui impose une chose en plus وهذا لا دليل عليه فلهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع أما القضاء فلا شك في وجوبه أما rattraper il n'y a aucun doute elle doit rattraper Léana, elle n'a pas jeûné قال أما الإمساك فكلام المؤلف أي يبارل للشرح كيف على الممتع شرح الممتع على الزاد قال رحمه الله يدل على وجوبه وهو المذهب فتقدم معنا أن الإمام أحمد لأن الرواية أنه سي بو obligatoire de s'abstenir لكن مذهب الحنابلة ينوت قول دون الإمام أحمد كسي obligatoire صاحب الزاد زاد المستقنع إلى شوزي هذا لكن شيخ العثيمين بعد المنطقة أنه سي بو الصواب قال لأنهم أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته نعم ils ont utilisé cette règle أنه c'est quoi qui a empêché cette femme de jeûner c'est الحيض والنفاس vu que الحيض والنفاس il n'y a plus ça s'est arrêté donc la الرخصة elle a facilité le fait de ne pas jeûner ça s'arrête كذلك tu dois jeûner لكن c'est pas صحيح هذا هنا pourquoi parce que c'est une ibadah As-Sawm, c'est une ibadah qui commence du Fajr au Maghrib. Tu peux faire entier, tu fais, tu peux pas, tu rattrapes un jour. C'est ça, As-Sahih. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il va citer une règle par rapport à Hada, les Muhimma. Qala, wa al-qa'id ala Hada al-qawl al-rajih. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, kadalik, il a choisi qu'elle n'a pas à s'abstenir. Anna man aftara fi Ramadan li'udr yubih al-fitr, thumma zala dhalik al-udr atna al-nahar. لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. Et ça c'est une قاعدة, c'est une règle, elle va vous aider dans beaucoup de choses. Celui qui a une excuse, c'est-à-dire voyageur, ou malade, ou autre excuse, أنه si il manque une partie de la journée, il est malade jusqu'à midi. À midi il est guéri. Il sent qu'il est guéri, il se lève, il sort, il sent qu'il peut jeûner. ففي هذا الحال il n'a pas jeûné de midi jusqu'au مغرب. لا لأن الصيام c'est du fajr au maghrib donc celui qui peut faire toute la journée il fait toute la journée s'il ne peut pas la journée il rattrape un autre jour هذا هو الصحيح et on avait vu cette mas'ala في المسافر cinquième catégorie المجنون celui qui n'a plus la raison qui a perdu la raison كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité Al-Majnoun hatta yafiq Rufi' al-qalam an thalatha. Donc la plume elle est levée pour trois genres de personnes. Et parmi ces trois catégories, Al-Majnoun, celui qui n'a plus la raison. Et il n'est pas pris en compte. Il n'est pas mukallaf. Et il n'est pas considéré pouvoir faire as-siyam ou as-salat. Donc c'est pas obligatoire pour lui. قال الامام النووي رحمه الله عليه في المجموع المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالاجماع l'unanimité des savants انه tant qu'il est majnoun c'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Si jeûne de lui-même, بعض المجانين ils sont c'est des adultes et il suit les gens parce qu'il jeûne et ça lui fait pas de mal, voilà, ben c'est طيب. لكن que ça devienne obligatoire et s'il mange il rattrape etc., فلا. قال للحديث والاجماع نعم la preuve c'est le hadith qu'on a cité est l'unanimité. وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون. Et ça c'est une autre مسألة, un autre point important. Est-ce que si il retrouve la raison, il est guéri, est-ce qu'il doit rattraper? مثلاً le mois de Ramadan, on a commencé nous et مجنون tout le Ramadan il le fait pas. لأنه il est مجنون. Est-ce que s'il retrouve la raison après Ramadan, il doit rattraper هذا الشهر? الإمام النووي رحمة الله عليه يقول لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر que ça soit un jour, deux jours ou le mois entier. قال وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. Et si qui retrouve la raison pendant Ramadan ou après, dans tous les cas il n'a pas rattrapé. Et c'est ça le قول الصواب. C'est ça le قول الصواب أنه il rattrape pas comme قال الشيخ بن عثيمين. Cheikh Ibn Taymiyyah كذلك il a رجح هذا. Il a démontré que le majnoun, si il perd la raison toute la journée في Ramadan ou un jour ou le mois entier, قال Cheikh Ibn Taymiyyah لأنه ليس أهلا للعبادة. أي il a pas à rattraper. Pourquoi? Parce que أصلا il n'est pas concerné par l'ibada. قال ومن شرط الوجوب والصحة العقل. Souvent quand on fait des doros, que ce soit dans le fiqh ou autre, on cite souvent les conditions, et parmi les conditions pour être concerné, il faut la raison. Pour le salat, pour le tahara, pour le siyam, pour le hajj, al-aql, c'est une condition, la raison. Ah, là, il n'a plus la raison. Enfin, pourquoi lui ordonner de rattraper une chose, il n'était pas concerné? Ça nous rappelle un cas, là, mitlamen? Là. Un cas, là où il ne rattrape pas. Vous vous rappelez? La basse. La personne âgée, c'est parce qu'elle n'a pas la capacité. Amahada, il peut rattraper. S'il a retrouvé la raison, il a la force, il pourrait rattraper. Là, il y a un cas qui lui ressemble. Al-Kafir, s'il rentre dans l'islam. Il n'a pas jeûné, maintenant, pendant 10 ans. C'est un kafir. Ça veut dire qu'il a manqué 10 ramadan. Est-ce qu'on lui dit de rattraper les 10 mois? Là, pourquoi? Parce que c'est un kafir. Min shurut al-siyam, al-islam. Awalan, il faut rentrer dans l'islam et après, tu fais le siyam. Il lui manque une condition, la raison. Donc, s'il est guéri, alhamdoulilah, le prochain siyam, s'il est, il a la raison, il est en bonne santé, il fait Ramadan. Hada huwa as-sahih. Il fait plus partie de l'mukallafi. Al-taklif, c'est obligé d'avoir l'aql, et hada, il n'a plus l'aql. Sixième cas, as-sabi, l'enfant. On répète le hadith, rufi al-qalam an thalath. Al-Majnoun hatta yafiq, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité As-Sabi hatta yablo, l'enfant jusqu'à qu'il atteigne la puberté. Et on avait cité parmi les conditions de Siyam, na'am, ahsant, al-Bulour, c'est qu'il atteigne l'âge de la puberté. L'enfant, il n'est pas considéré, il n'est pas concerné par l'obligation. Est-ce qu'il le fait? Il peut le faire. Na'am. Est-ce que les parents l'encouragent? Na'am. On avait vu hadith الربيع بنت معود رضي الله عنها أنها قالت كنا نأمر الصبيان بالصيام. أي à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils encourageaient les enfants à faire الصيام. حتى ils jouaient avec eux, les enfants ils pleuraient tellement qu'ils avaient faim, ils jouaient avec eux حتى ils oubliaient الصيام jusqu'à qu'ils arrivent à المغرب et ils ont réussi à jeûner. هذا c'est مهم. لكن lui rendre obligatoire, c'est-à-dire le frapper s'il ne le fait pas ou lui imposer ou s'il a vraiment faim lui empêcher de manger, هذا لا. Surtout les enfants qui atteignent 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils commencent à avoir la capacité de taïb. Voilà où une partie de la journée, tu l'entraînes, c'est un entraînement. Amma, le considérer que c'est obligatoire, et s'il ne le fait pas, il rattrape. Abadan. Qala l'imam al-Nawawi, la yajib, saum ramadan ala sabi, wa la yajib alayhi qada, ma fata qabla al-bulugh bila khilaf. L'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, naqala adam al-khilaf. Il n'y a pas de divergence, annahu, il ne rattrape pas, et ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est important pour le musulman. On ne met pas des choses qui ne sont pas à leur place au-dessus de leur place. C'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Le roulou, là, il joue. L'exagération, c'est pas payé. L'enfant, c'est un enfant. Celui qui n'a pas la raison, il n'a pas la raison. Celui qui est vieux, il est vieux. T'inquiète, chaque chose a sa place. Le dernier cas, Al-Mujahid fi sabilillah, fi hal al-jihad. Et tu auras deux cas. Si Al-Mujahid fi sabilillah, il est en voyage, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent les Ghazawat, c'était un voyage. Il est considéré comme voyageur, il n'y a aucun problème. Taqaddam ma'ana. Taqaddam ma'ana hadith Anas, annahum, ils avaient le choix. Certains jeûnaient, certains ne jeûnaient pas. Et celui qui jeûnait, il ne critiquait pas son frère. Et celui qui ne jeûnait pas, kadhalik, il ne critiquait pas son frère. Il y a des hal, tu as le choix. Et on avait vu, anna al-afdal, pour le musafir, c'est qu'il fasse au siyam s'il a la capacité, ahsan. Donc, al-mujahid, s'il est voyageur, il est considéré voyageur. Lakin, s'il est résident, al-jihad, dans un endroit, il est résident, il n'est pas voyageur. ففي هذا الحال قال ابن القيم رحمه الله عليه فيه قولان il y a une divergence entre savants بعضهم ils ont dit il peut manger بعضهم ils ont dit là الصححهما دليلا ابن القيم va démontrer c'est lequel l'avis le plus juste ان لهم ذلك et celui qui médite bien sur la situation il va comprendre انه نعم ils peuvent manger وهو اختيار ابن تيميه وبه افتى العساكر الاسلاميه لما لقوا العدو بظاهر دمشق Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, cheikh l'islam, il avait choisi cet avis et il avait fait cette fatwa pour le mujahidin à son époque quand ils ont fait le djihad contre At-Tatar, à Dimashq, en Syrie. Pourquoi ? Qala Ibn al-Qayyim, wa la rayb anna al-fitr li dhalik awla min al-fitr li mujarrad al-safar. Premièrement, si le voyageur il a une excuse, fa al-mujahid, son excuse elle est encore plus grande. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, li anna al-quwa hunak tahtas bil musafir. والقوة هنا له وللمسلمين. Deuxièmement, المسافر, si il ne fait pas siyam, c'est pour garder des forces. Et il a besoin de ses forces. أما المجاهد, c'est pour lui, c'est pour le muslimin. لأن si tout le monde fait siyam, et tout le monde devient faible, et le adou, il prend le dessus, c'est qui va être perdant? C'est le muslimin. Alors que le musafir, il est excusé. فالمجاهد من باب أولى. قال ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر كذلك c'est un autre point أن la difficulté du jihad elle est beaucoup plus grande que la difficulté du voyage le mujahid il a besoin de force il a besoin de boire surtout في الصيف surtout en été قال ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة المحصلة بفطر المسافر et ça on l'a cité أن les conséquences Si le mujahid y mange, fa inshallah, il y aura un khayr pour lui et pour le muslimin. Léana, ça va faciliter la victoire, bi idnillah. Léana, c'est un sabab. Qala azza wa jal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Et préparez ce que vous pouvez comme force. Et min al quwwah, c'est quwwat al badan. C'est que le mujahid lui-même, il a des forces. Ahada. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, l'avis le plus juste, c'est l'avis de Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim kadhalik. نصر هذا القول في الزاد زاد المعاد et لا شك هؤلاء font partie des personnes excusées فهذا ما يتعلق بأهل الأعذار donc on a cité plusieurs catégories de personnes excusées باختصار on a résumé et إن شاء الله تعالى هذا يكفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك